il était pas. Si le choix du Sénat vous blesse, allez tous consulter vos dieux, qui soient au nom désapprouvés par eux. Quel profane osera condamner leur sagesse?